إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 19 dans l'explication de la aqida des deux Razi, l'imam Abu Hatim al-Razi et l'imam Abu Zur'a al-Razi. C'est pour ça qu'on dit la aqida des Raziens, al-Raziyan, aqida al-Raziyin, c'est-à-dire la aqida des deux imams qui viennent de la ville de Ray. Et on est arrivé aujourd'hui au cours numéro 19, et c'est le point numéro 16 qu'on va expliquer aujourd'hui au sujet de la résurrection après la mort. Donc les deux imams, Abu Hatim et Abu Zur'a, ont mentionné dans leur aqidah que parmi les fondements et les principes de la foi d'Ahl Sunnah wal Jama'a, il y a la foi en la résurrection après la mort. Et ils disent wal ba'thu min ba'd al-mawt haqqun, c'est-à-dire la résurrection après la mort, elle est véridique, c'est quelque chose de vrai. Et il explique, le cheikh Rabi, il fait l'explication donc de ce point-là, puis il dit wa qala al-shaykh fi sharhi aqidat al-salaf wa ashab al-hadith يذكر المؤلف هنا من عقائد الإيمان والبعث بعد الموت وتراه هنا غير العبارة من قوله يؤمن أهل الحديث إلى قوله يؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت لأنه حتى اليهود والنصارى يؤمنون بالبعث وضلال المسلمين كذلك يؤمنون بالبعث ولكن يخالفون في قضايا مما يتعلق فيما بعد البعث وما قبله. Donc Cheikh Rabi hafizahullah, ça, ce passage là comme j'avais expliqué, les points 12 à 16, ils sont tirés de d'autres livres qui expliquent certains points qui ont rapport avec la aqida des deux Razi. Étant donné qu'il y avait un manque dans les enregistrements, donc ils ont complété avec des explications qui ont été données sur ces points-là, mais tirées de d'autres livres, des ulama. Donc ici, par exemple, c'est pas tiré de l'aqidah des deux Razi, mais de l'aqidah du livre de l'imam As-Sabuni, Sharhu Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith. Mais, peu importe de quel livre et de quel imam parmi les salafs ça vient, c'est toujours la même aqida et les mêmes fondements. Donc il a complété qu'est-ce qui manquait avec des passages de d'autres livres de l'explication de l'aqida des salafs de ces livres-là. Donc ici c'est l'exemple qui complète qu'est-ce qui manquait. Et après ce point, on revient avec l'explication de Cheikh Rabi de l'aqida des deux Razi. Donc ici il dit, pour expliquer la croyance en la résurrection après la mort, il explique que l'auteur, l'imam As-Sabuni, il a expliqué que la résurrection après la mort, tu vois qu'il change l'expression. C'est-à-dire dans les points que l'imam As-Sabuni avait mentionné avant, il mentionnait que les gens du hadith croient hein, tel, tel, tel point. Mais pour la question qui a rapport avec la résurrection après la mort, il n'a pas dit les gens du hadith, mais il a dit les gens de la religion et de la sunna. Pourquoi il a dit les gens de la religion et la sunna? Parce qu'en réalité, la question de la résurrection après la mort, c'est quelque chose qui n'est pas spécifique aux gens du hadith. C'est-à-dire que même les juifs et les chrétiens, ils croient à la résurrection après la mort. Et même certains groupes d'égarement parmi les musulmans, ils croient eux aussi en la résurrection après la mort. Sauf qu'ils divergent avec les gens de la sunna sur certaines questions de qu'est-ce qui va se produire après la résurrection ou avant la résurrection. Hein? Comme par exemple, les chrétiens et les juifs, ils croient en la résurrection après la mort. Mais il y a certains éléments, dans certains détails, ils contredisent la vérité de ce qui est révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, ils ne croient pas, par exemple, que les chrétiens, par exemple, ne croient pas que dans le paradis, les croyants vont avoir un corps et puis qu'ils vont goûter au plaisir et au délice que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les croyants. Ils croient que c'est seulement les âmes des croyants qui vont être dans le paradis, puis que c'est juste un plaisir uniquement et seulement spirituel. Alors que ce n'est pas seulement spirituel, c'est spirituel et sensuel aussi, puisqu'on va goûter les désirs, plutôt les délices du paradis avec notre corps, avec nos sens. Et donc, il y a quelque chose qui est relié au plaisir physique aussi, et non seulement au plaisir spirituel. Et c'est pour ça que dans le paradis, le plus grand des plaisirs, comme on l'a mentionné, c'est le fait que les croyants vont pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala avec leurs yeux. Et il n'y aura pas pour eux de plaisir plus grand que ce plaisir-là. Hein? Et on en a parlé puisque un des points de l'aqida des deux razis, c'était justement le fait que les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection et dans l'au-delà. Donc ensuite, le Cheikh Rabi' il dit: فَالْإِيمَانُ بِالْبَعْثِ وَرَدَتْ فِيهِ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ وَأَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ يُخْبِرُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيهَا عَنْ إِحْيَاءِ النَّاسِ بَعْدَ مَوْتِهِمْ وَبَعْثُهُمْ مِنَ الْقُبُورِ لِيُجَازِيهِمْ عَلَى مَا قَدَّمُوا فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ النَّاسَ عَبَثًا وَلَمْ يَتْرُكْهُمْ هَمَلًا وَسُدًى وَإِنَّمَا خَلَقَهُمْ لحكم عظيمة منها أن يعبدوه ومنها أن يبعثهم لإقامة العدل فيما بينهم وتقرير مصير من يستحق الجنة ومن يستحق النار ومن يدخل النار خالدا فيها مخلدا أبدا ومن يخرج منها بما عنده من التوحيد. Et donc le Cheikh il explique, il dit que la foi à la résurrection, il y a beaucoup de hadiths qui ont été mentionnés à ce sujet-là. Et c'est mentionné également dans beaucoup de versets, dans le Coran, dans de nombreux hadiths. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets et dans ces différents versets dans le Coran, il nous mentionne qu'il va faire revivre les hommes après leur mort et qu'il va les faire ressusciter de leur tombe et qu'il va les rétribuer selon ce qu'ils ont fait dans cette vie d'ici-bas. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé les hommes sans but et sans raison. Hein? Il ne les a pas laissés sans responsabilité, sans obligation, sans devoir religieux à accomplir. Il ne les a pas laissés comme ça, de façon absurde. Hein? Les créer pour aucune raison, aucune sagesse, aucun but. Mais plutôt, il les a créés pour de grandes sagesses. Et parmi ces sagesses, il les a créés pour qu'on l'adore. Pour qu'on l'adore. Ça, c'est le plus grand but parmi les buts pour lesquels Allah nous a créés. Il nous a créés pour qu'on l'adore. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et il dit وَيَبْعَثُهُمْ وَمِنْهَا أَنْ يَبْعَثَهُمْ لِإِقَامَةِ الْعَدْلِ فِيمَا بَيْنَهُمْ. Et également, il les a créés pour les faire ressusciter par la suite et pour établir la justice entre eux. Parce que dans la vie d'ici-bas, il y a toutes sortes d'injustices qui peuvent se produire, il y a toutes sortes de crimes qui peuvent être faits. Et donc, les êtres humains, parfois, ils essaient d'établir une certaine justice Mais c'est une justice qui est limitée. C'est une justice qui est limitée et parfois, ils peuvent yani, se tromper dans l'établissement de cette justice-là. Ils peuvent parfois punir un innocent et ils peuvent parfois récompenser quelqu'un qui est coupable. Hein? Et ils peuvent parfois yani, ne pas punir celui qui mérite d'être puni et donc le laisser et s'échapper. Tandis que ces choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, il va les régler. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'erreur, il n'y aura pas de faute, il n'y aura pas d'injustice qui pourront s'échapper. Tout ce que quelqu'un a fait, il va le voir. Hein? Donc ils ont, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas les défauts et les défaillances et les imperfections des créatures. Et c'est pour ça que sa justice, elle est parfaite. Hein? Il n'y aura pas de défaillance et de défaut dans la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Donc des fois les gens ils disent, il n'y a pas de justice dans ce monde. Hein? Il n'y a pas de justice dans ce monde. Pourquoi? Parce que la justice, elle est, dans ce monde, elle est relative. Elle n'est pas absolue, elle n'est pas complète, elle n'est pas parfaite. Et c'est la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'elle sera établie au jugement dernier, c'est là que les hommes vont trouver leur justice. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. C'est-à-dire celui qui a fait une atome de bien, il va le voir. Puis celui qui a fait une atome de mal, il va le voir. Donc ça veut dire, même une atome, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas la laisser passer. Hein? Et donc le cheikh il dit, donc une des raisons pourquoi il nous a créés, c'est pour établir la justice entre les hommes. Hein? Et également parce qu'il veut établir aussi la destinée, ou bien plutôt la destination de chacun. Où est-ce que chacun va se retrouver selon ce qu'il mérite par rapport à ce qu'il a fait. Celui qui mérite le paradis ira au paradis, et celui qui mérite l'enfer ira en enfer. Et celui qui, il y en a qui vont rentrer en enfer et qui vont y rester éternellement, et il y en a qui vont en sortir par la suite parmi les gens du Tawhid. C'est-à-dire que les gens, parmi les gens qui ont cru en Allah et qui sont morts sur le Tawhid et qui ont, à cause de leurs péchés, mérité de rentrer en enfer, ils ne vont pas y rester éternellement, mais ils vont en sortir tôt ou tard, hein, à cause de leur foi en l'unicité d'Allah, comme on l'a expliqué lorsqu'on a parlé de l'intercession et lorsqu'on a parlé de d'autres points aussi reliés à ça. Puis on va en reparler encore une fois aussi dans les points qui vont suivre dans le livre, inshallah. Le cheikh il dit ensuite, Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. نعم. Donc ça c'est une sourate dans le Coran que le cheikh il a lu, puis qu'il a par la suite expliqué. Et on va la lire ensemble, nous aussi. Le numéro de la sourate, je vais vous le donner, inshallah. Sourate Al-Qari'ah. Naam. Al-Qari'ah, c'est la secousse, comme tu dis. Donc c'est une sourate, elle n'est pas longue, hein? C'est le fracas, ils l'ont traduit par le fracas. C'est une sourate qui n'est pas longue, mais qui a dedans beaucoup de grandes significations par rapport à la foi en l'invisible et la foi en le jugement dernier. Naam, le numéro de la sourate, c'est la sourate 101. Naam. Et donc, c'est une sourate, il y a 11 versets dedans. Qu'est-ce que ça signifie? Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas? C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés et les montagnes comme de la laine cardée. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, eh bien sa mère, c'est-à-dire sa destination, est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. Naam. Donc le cheikh il explique, il dit « Al-Qari'a hi al-qiyama allati yab'ath Allahu fiha an-nas » القارعة وما القارعة القارعة ما القارعة تهويل لأمرها أمر عظيم وما أدراك ما القارعة ثم قال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث تصور ضعف الناس وخوفهم وهلعهم يذهبون شتى لا يلتفت الأب إلى ابنه ولا الابن إلى أبيه ولا يلتفت إلى عشيرته بل يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه يوم رهيب يوم عظيم. Donc le cheikh il explique, il dit le fracas c'est en fait le jour de la résurrection. Le jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala va faire ressusciter les hommes. Le fracas, qu'est-ce que le fracas? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça de cette façon, pour faire peur aux hommes par rapport à qu'est-ce qui va arriver ce jour-là. Pour te faire comprendre que c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose de grand. Le fracas, qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas? Puis ensuite il dit, c'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. Donc imagine la faiblesse des hommes, et leur peur et leur crainte. Et ils s'en vont dans toutes les directions, et personne s'intéresse du cas de l'autre. Le père, il ne se tourne pas vers son fils. Le fils ne se tourne pas vers son père, ni vers sa famille. Puis ensuite, il mentionne le verset dans Surat Al-Ma'arij, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie au jour de la résurrection, que le criminel aimerait pouvoir se racheter du jour de la résurrection, de ce jour-là, le jour du châtiment. Il donnerait même en échange, pour pas être puni ce jour-là, ses enfants, sa compagne, son frère, même son clan, sa famille qui lui donnait asile, et tout ce qui est sur terre, s'il pouvait le donner en échange, pour pas être châtié, il le donnerait pour se sauver. Subhanallah. C'est-à-dire que ce jour-là, tout ce qu'il avait sur terre comme richesse, comme valeur, comme les choses les plus chères pour lui, même sa famille, ses enfants, ses frères, ses soeurs, ses parents, tout, il le donnerait en échange pour pas être châtié, pour pas avoir le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un jour effrayant, un grand jour, un jour grave. Il dit hatta an al-anbiya يقولون فيه من شدة هوله نفسي نفسي وأولو العزم كل واحد منهم يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. Le cheikh qu'est-ce qu'il dit? Il dit même les prophètes ce jour-là, chacun d'entre eux, tellement c'est un jour effrayant et que les gens sont effrayés, ils ont peur, que chacun d'entre eux, même parmi les prophètes, ils disent « moi ». C'est-à-dire, ils pensent uniquement à qu'est-ce qui lui arrive à lui. Et ils s'occupent uniquement de sa personne. Il n'a pas de temps pour se préoccuper de personne d'autre. Parce qu'il a trop, hein, chacun d'entre eux, il a peur pour sa personne. وَأُولُو الْعَزْمِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ يَقُولُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمِ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَغْضَبْ وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. C'est-à-dire que même les grands prophètes, parmi les cinq les plus grands prophètes qu'on connaît, Adam, Ibrahim, Moussa, Isa, Muhammad, excepté Muhammad, parce que c'est lui à la fin qui va intercéder pour les hommes, comme on l'a lu dans le chapitre de l'intercession. Sauf que les prophètes, parmi les grands prophètes, chacun ils disent, mon Seigneur s'est mis en colère aujourd'hui d'une colère, il ne s'est jamais mis en colère comme cela auparavant, et il ne se mettra plus jamais en colère par la suite, de cette façon-là. Donc c'est le jour de la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Parce que un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il est, hein, le patient, hein? As-sabir, celui qui endure, qui patiente. Et yani, subhanallah, toutes les créatures qui renient Allah subhanahu wa ta'ala et qui insultent Allah subhanahu wa ta'ala, qui adorent d'autres que Allah, qui font du shirk avec Allah, qui font le kufr, hein, et Allah subhanahu wa ta'ala les laisse. Il les laisse parce qu'il a donné, il a déterminé un délai et un terme où chaque chose sera tranchée. Et ce jour-là, c'est le jour de la résurrection. Et c'est ce jour-là où il manifeste sa colère. C'est ce jour-là où il manifeste sa colère. Hein? Et donc il dit, يقول سبحان يعني يقول يوم رهيب لا شك كما ذكر المؤلف يقول سبحانه وتعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة ثم ذكر أصحاب اليمين ثم ذكر السابقين وذكر أصحاب الشمال والعياذ بالله. فقوله إذا وقعت الواقعة يعني القيامة يوم يبعث الله الناس. ثم قال ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا اضطربت الأرض تضطرب السماء يوم تمر السماء مورا أهوال فيها ذرع وفيها خوف وفيها أهوال كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Le Cheikh il explique ensuite d'autres exemples de qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran à propos de la résurrection, à propos de qu'est-ce qui se passe ce jour, hein, de la résurrection, un jour effrayant. Et donc il mentionne les versets du début de Sourate Al-Waqi'a. Et Al-Waqi'a qui signifie l'événement. Sourate 56. Et il cite donc qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit ou ce qui signifie quand l'événement, hein, Al-Waqi'a, l'événement. 56 yani, Sourate 56. Quand l'événement, c'est-à-dire le jugement arrivera, nul ne traitera sa venue de mensonge. Il abaissera les uns et élèvera les autres. Donc ça c'est le début de cette sourate. Khafidatur rafi'a, c'est-à-dire elle va rabaisser certains et elle va élever d'autres. Quand la terre sera secouée violemment et les montagnes seront réduites en miettes et qu'elles deviendront poussière éparpillée. Alors vous serez trois catégories. Les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Hein? Donc, le cheikh, il explique, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne les trois groupes. Les gens de la droite, les gens de la gauche, et les gens qui ont été parmi ceux qui ont précédé les autres dans le bien, as-sabiqoun. Et il dit donc que, إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ Al-waqi'ah, l'événement dont on parle ici, quand l'événement arrivera, c'est le jugement dernier, Yawmul Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala va faire ressusciter les hommes, après qu'ils ont été de la poussière et des ossements. Thumma qal, laysa li waqa'atiha kadhiba. Nul ne traitera sa venue de mensonge. Quand elle sera établie, ce sera clair. Nul ne pourra le traiter de mensonge. Il abaissera les uns et élèvera d'autres. Et il dit, إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّةِ. C'est-à-dire, quand la terre va être secouée violemment. Et il dit, même les cieux vont être secoués. Et il mentionne à ce sujet, يعني, subhanallah, le verset 9, dans Surat At-Tur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, le jour où le ciel sera agité d'un tourbillonnement. يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرَى يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرَى. Donc ce sont des événements qui se passent au jour de la résurrection, qui sont des événements effrayants et épeurants, qui font peur aux êtres humains à ce jour-là. Ils comprennent tout de suite. Et allez, subhanallah, imaginez, juste dans cette vie d'ici-bas, on ne parle pas de l'au-delà, on ne parle pas du jugement dernier, on parle de cette vie maintenant. Quand il y a un tremblement de terre quelque part, quand il y a un volcan en éruption quelque part, comment sont les hommes à ce moment-là? Ils sont effrayés, apeurés, ils ne savent même plus de quel côté s'en aller. Les changements climatiques, bon, les catastrophes, les cataclysmes, les raz-de-marée, les tsunamis. Personne ne sait où s'en aller dans ces événements-là, dans ces moments-là. Et donc ça, c'est juste un petit exemple de qu'est-ce qui attend les hommes au jour de la résurrection. Parce que le jour de la résurrection, c'est plus grave que ça encore. C'est l'univers tout entier qui s'écroule. Allahu al-musta'an. Donc qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Hajj, les versets 1 et 2, il dit ce qui signifie, ô homme, craignez votre Seigneur, le séisme qui précédera l'heure, c'est-à-dire l'heure du jugement dernier, est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice, la femme qui allait, elle oubliera ce qu'elle allaitait. Jamais tu vas voir ça dans cette vie d'ici-bas. Jamais tu vas voir une femme qui allait, elle laisse qu'est-ce qu'elle allaitait. Elle a allaité. Le jour où toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait, et tu verras les gens ivres, alors qu'ils ne sont pas ivres. Mais le châtiment d'Allah est dur. Donc c'est pour montrer la gravité et la sévérité du jour du jugement dernier. Et le cheikh il dit, ayatun kathira jiddan, ayatun kathira jiddan, tatahaddathu anil ba'thi, wa ma fihi min ahwal, wa ma fihi min umurin azimah, tawatara zikruha fil Qur'an wa sunnah, wa lihada yaqulul musannif, wa yu'minu ahlul dini wa sunnah bil ba'thi yawma ba'da al-maut, yawma al-qiyamah. وبكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit, il y a de nombreux versets dans le Coran qui parlent de ce qui va se produire après la résurrection, comme terreur, comme effroi, comme crainte, et des choses énormes et grandes et graves. Et le rappel de ces questions-là et de la mention de ces choses-là dans le Coran et dans la Sunna sont très très très nombreuses. Et c'est pour ça que l'auteur, l'imam As-Sabouni, dans ce cas-là ici, il dit, et les gens de Ahlus Sunnah, les gens de la religion et de la Sunnah, croient en la résurrection après la mort, au jour de la résurrection, et ils croient en tout ce qui a été mentionné et dit par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, à ce sujet. كل ما ورد في الكتاب والسنة فيما يتعلق بالبعث وما بعده يجب الإيمان به لأن الله أخبر بذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك ولا يكون مؤمنين إلا إذا آمنا بأخبار الله وصدقناها وآمنا بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقناها قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا وقال في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Donc il dit tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit au sujet de la résurrection dans le Coran et dans la Sunnah, et qu'est-ce qui vient aussi après la résurrection, il est obligatoire pour nous d'y croire parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a mentionné. Il nous l'a mentionné dans le Coran, et le messager sallallahu alayhi wa sallam également nous l'a mentionné dans la Sunnah. Et on ne peut pas être des croyants excepté si on a cru en ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné comme information au sujet de la résurrection, et qu'on y ait cru réellement, et qu'on ait cru aux informations que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné à ce sujet, et qu'on y ait cru avec sincérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et qui est plus véridique en parole que Allah? Hein? Personne. Et il dit aussi à propos de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. C'est-à-dire, il ne parle pas selon les passions, ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélée. Donc quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parle, quand il nous informe à propos de quelque chose, de la religion, il parle selon la révélation d'Allah. Donc les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam font partie de la révélation aussi. Pas seulement le Coran, mais les hadiths aussi. Hein? Donc ça c'est très important. Et ça c'est ce qui conclut donc le point numéro 16. Maintenant à propos du point numéro 17. Les deux imams, Abu Hatim et Abu Zur'a, al-Raziyan, ils ont dit « Wa ahlul kaba'iri fi mashi'atillahi azza wa jal » C'est-à-dire les gens qui ont commis des grands péchés parmi les musulmans, ils sont sous la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection. Ils sont sous la volonté d'Allah. Qu'est-ce que ça signifie? On va le voir, inshallah. On l'a déjà vu dans l'écho précédent, parce que le cheikh, il en a parlé. Mais là, on va le revoir encore une fois, mais en plus résumé. Le Cheikh Rabi' Hafizahullah, maintenant il revient, il explique maintenant avec l'explication des deux Razi. Parce qu'on a fini le point 16 maintenant. Donc il dit, « Ya'ni, al-mu'min, idha waqa'a fi ma'asin, fa huwa tahta mashi'atillah subhanahu wa ta'ala. Incha'a, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'a. سبحانه وتعالى وهو تحت مشيئة الله هذا العاصي إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة بدون عذاب وإن شاء أدخله النار بعدله بقدر ما يستحق من العقوبة تحت يعني تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh dit que le croyant, lorsqu'il commet des péchés, il est sous la volonté d'Allah. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il décide de son sort. Hein? Si Allah subhanahu wa ta'ala, la règle dans ce sujet-là, c'est dans le verset 48 qu'on a lu dans Sourate An-Nisa, dans les chapitres précédents, on a parlé de ça plusieurs fois. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie Allah, certes, ne pardonne pas qu'on commette le shirk avec lui. Et commettre le shirk, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu offres à autre que à Allah, subhanahu wa ta'ala, une forme quelconque d'adoration. Tu adores quelqu'un d'autre que Allah. Tu offres à autre que Allah, et peu importe qu'est-ce que c'est en dehors d'Allah, une forme quelconque d'adoration, et peu importe quelle sorte d'adoration. Donc si tu adores un ange, un prophète, un wali, hein, un homme pieux, une tombe, ou bien tu adores un djinn, ou bien tu adores un arbre, ou une pierre, ou une roche, ou qu'est-ce qui est dans les cieux, par exemple, comme les astres, le soleil, la lune, les étoiles, ou que tu adores n'importe quoi, un lac, la mer, l'océan, ou des choses de ce genre, tu adores des animaux, ou des êtres humains, hein? Peu importe qu'est-ce que tu adores, un homme ou une femme, une chose, en dehors d'Allah, tout ça c'est du shirk. Et comment tu l'adores en dehors d'Allah? En lui offrant une adoration quelconque. Et peu importe quelle forme d'adoration tu lui offres, hein? Que ce soit que le fait de l'aimer plus qu'Allah, ou de le craindre, hein? En dehors d'Allah, ou de mettre en cette chose ta confiance en dehors d'Allah, ou bien de l'invoquer, de lui faire des prières, de lui faire des invocations, de lui faire des demandes en dehors d'Allah, ou bien de te prosterner devant cette chose, ou t'incliner devant elle. Peu importe, tu lui offres une forme quelconque d'adoration, tu as commis du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as donné à Allah des associés et des partenaires et des égaux dans l'adoration avec Allah, donc tu as commis le shirk. Et si tu as commis le shirk, tu as commis le péché que Allah ne pardonne pas. C'est-à-dire le seul péché que Allah ne pardonne pas, si tu meurs sur ce péché-là sans t'être repenti avant ta mort, ce péché-là ne te sera jamais pardonné. Et tu as, dans ce cas-là, tu seras dans l'enfer pour l'éternité. Tandis que si tu as établi le tawhid d'Allah, tu n'as rien associé avec Allah et tu n'as pas commis de shirk. Par contre, tu as commis d'autres péchés que le shirk, des péchés qui sont moindres que le shirk et le kufr. Dans ce cas-là, tu es sous la volonté d'Allah si tu meurs sans te repentir. Comme par exemple, tu as bu de l'alcool et tu es mort sans te repentir. Tu as fait l'adultère ou la fornication, tu es mort sans te repentir. Tu as tué quelqu'un, tu es mort sans te repentir. Tu as fait du riba, tu as mangé du porc. Tu es mort sans te repentir de ce péché-là. Même si tu l'as fait 100 fois, 1000 fois, 2 millions de fois, 400 millions de fois, l'important, tu as été sur le tawhid, tu as commis ce péché, tu es mort sans te repentir, tu es sous la volonté d'Allah. C'est-à-dire, soit Allah subhanahu wa ta'ala va choisir de te pardonner pour ce péché-là et te faire rentrer directement au paradis par sa miséricorde, ou soit qu'il va te faire rentrer en enfer pour te purifier de ce péché-là par sa justice, puis par la suite il va te faire sortir lorsque tu auras été purifié de ce péché-là complètement, et il va te faire rentrer au paradis pour y demeurer pour l'éternité. Les seuls qui vont demeurer en enfer éternellement et qui ne vont jamais en sortir, c'est ceux qui sont morts sur le kufr et sur le shirk majeur. Naam. Parmi les musulmans et les non-musulmans, si quelqu'un est mort sur le shirk, qu'il soit musulman ou non-musulman, il va être dans l'enfer pour l'éternité. Mais il faut comprendre une chose quand tu dis est-ce qu'il est parmi les musulmans. Parce que tu sais que tous les prophètes d'Allah, ils ont tous été musulmans. Et tous les livres, tous les messagers qu'Allah a envoyés, les a envoyés avec l'islam. Donc même si les autres prophètes qui sont venus avant, ils sont venus avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça ne veut pas dire que leur religion était autre que la religion de l'islam. La religion de tous les prophètes, c'était l'islam. Et donc tous les croyants qui ont cru en un messager qui est venu avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont respecté le message de ces messagers-là, et qui ne l'ont pas déformé ou falsifié, et qui sont morts sur le tawhid, ils seront eux aussi musulmans. Et ils vont être donc au paradis, où ils vont être sous la volonté d'Allah. La même chose que pour les musulmans. S'ils ont commis des péchés autres que le shirk, ils vont être sous la volonté d'Allah. La même chose. Hein? Donc s'ils étaient sur la religion de la vraie religion de Ibrahim, la vraie religion de Isa, la vraie religion de Moussa, la vraie religion des prophètes, et qu'ils ont suivi ces messagers-là et qu'ils n'ont pas commis de shirk, ils sont considérés comme des musulmans. Ils sont des musulmans aussi. Parce que l'islam, ça veut dire la soumission. Et être sur l'islam, ça veut dire d'être sur le tawhid. Ça, c'est le sens général de l'islam. D'accord ? et de façon plus spécifique, après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, être sur l'islam signifie croire au Coran et suivre le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, de façon plus spécifique. Et le cheikh il dit ensuite donc Allah subhanahu wa ta'ala, le pécheur, il est sous la volonté d'Allah. S'il veut, il va le pardonner, il va le faire entrer au paradis sans châtiment, et s'il veut, il va le faire entrer en enfer par sa justice et selon ce qu'il a fait comme péché et ce qu'il mérite comme châtiment, et il est sous la volonté d'Allah. وهذا خلاف ما يقوله الخوارج فإنهم يجزمون بأن أصحاب المعاصي ولو كبيرة واحدة مات مصرا عليها فهو في النار خالدا فهو في النار يعني فهو في النار خالدا فيها مخلدا أبدا ويوافقهم المعتزلة في خلوده في النار ويقولون إنه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين أما الخوارج فيقطعون بكفر مرتكب الكبيرة ويستحلون دمه وماله ويحكمون عليه بالخلود في النار. الشيخ الدي Notre aqida qu'on vient d'expliquer par rapport à celui qui meurt sur le grand péché qu'il a commis sans se repentir et le fait de dire qu'il est sous la volonté d'Allah, c'est contraire à ce que disent les gens de Bid'ah parmi les groupes d'égarement comme la secte des Khawarij. Eux, ils ne sont pas d'accord avec ça et ils sont dans l'égarement sur cette question-là. Parce que pour eux, les gens qui ont commis des grands péchés parmi les musulmans, même si c'est juste une fois, c'est-à-dire même si c'est juste un grand péché qu'ils ont commis, et s'ils meurent en continuant à le faire ou en persistant à le faire, ils croient que ce musulman-là sera éternellement en enfer et qu'il ne pourra jamais en sortir. Ça, c'est les Khawarij. Ça, c'est la aqida des Khawarij. Et leur aqida à ce sujet-là est en contradiction avec le Coran et en contradiction avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les Mu'tazila ont été en accord avec les Khawarij sur ce sujet-là en ce qui concerne leur entrée dans l'enfer. Ils croient que le pécheur, celui qui est parmi les musulmans qui a commis des grands péchés et qu'il meurt, il va être éternellement en enfer dans l'au-delà. Éternellement, comme les Khawarij. Donc ils ont la même égarement que les Khawarij à ce sujet-là. La seule différence qu'ils ont avec les Khawarij, c'est sur le verdict au sujet de celui qui commet des grands péchés dans la vie d'ici-bas, pendant qu'il est vivant. Est-ce qu'il est croyant ou non? Ils disent non. Il est ni croyant ni mécréant. Mais il est dans un degré entre les deux. Puis, dans l'au-delà, il sera éternellement dans l'enfer. Hein, comme ce que disent les Khawarij au sujet de celui qui meurt. Et qui commettait des grands péchés ou un grand péché. Ils rendent son et dans les Khawarij dans le verdict de la vie d'ici-bas, s'ils voient qu'un musulman commet des grands péchés, ils considèrent que son sang est halal et que ses biens sont halal aussi. C'est-à-dire ils pensent que c'est permis de le tuer et que c'est permis de prendre tout ce qu'il possède, parce que ils considèrent que celui qui a commis des grands péchés est un kafir. Et ça c'est le danger de la croyance des Khawarij qui est très répandue à notre époque malheureusement, et donc il faut faire attention en particulier à ce groupe là et il y a un point justement dans les points qui vont suivre qui explique en détail la bid'a des Khawarij et leur danger. Le Cheikh Rabi' hafizahullah il dit ensuite wa yatamassakuna bi ba'd al mutashabihat wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ولا ينظرون إلى الآيات والأحاديث الآخر التي تبين أن ارتكاب الكبائر مع الإيمان بالله عز وجل وبرسوله وبكتابه وإلى آخره مع ارتكاب الكبائر لا يخرج المرء من الإسلام لا يخرج المرء من الإسلام. Donc le cheikh il dit يعني لا يخرج المرء من الإسلام. Le cheikh il dit donc il s'accroche à ils s'accrochent les Khawarij pour dire que les musulmans qui commettent des grands péchés sont en enfer pour l'éternité. Ils s'accrochent sur quoi? Est-ce que les gens de Bid'a ont des preuves sur qu'est-ce qu'ils prétendent de l'islam? Est-ce que les gens de Bid'a ont des preuves quand ils disent quelque chose au sujet du Coran et de la Sunna ou à propos de la religion d'Allah? Ils peuvent ramener des versets du Coran, ils peuvent ramener des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont sahih, qui sont authentiques, mais est-ce qu'ils ont des preuves? Non. Pourquoi? Parce que c'est des shubuhat. Et qu'est-ce qu'on appelle des mutashabihat ou shubuhat? C'est des choses qui sont des choses vraies, hein, qui sont utilisées d'une manière malhonnête, qui sont utilisées d'une manière incorrecte pour essayer de justifier une croyance qui est fausse. C'est-à-dire qu'ils vont déformer, pas le verset lui-même, mais le sens du verset, pour essayer de faire croire aux gens que ce en quoi ils croient est en accord avec le Coran et la Sunna, mais en réalité, c'est en contradiction, parce que en réalité, ils déforment le sens réel de ce que signifie Allah subhanahu wa ta'ala et de ce que signifie le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces paroles-là. Donc, l'exemple de ça, ça a été mentionné dans le Coran par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous a mis en garde contre l'attitude de ces gens-là. L'attitude de ces gens-là qui déforment le sens des versets et qui essaient d'utiliser des versets pour essayer de justifier des choses qui ne sont même pas des preuves pour eux et qui n'ont aucun rapport même avec ce qu'ils essaient de justifier. Et la preuve à ce sujet-là, ou le verset à ce sujet-là, c'est le verset 7 dans Surat Al-Imran. Le verset 7 dans Surat Al-Imran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans ce verset? Il dit, en ce qui concerne ceux qui ont une déviance dans le cœur, eh bien, ils suivent ce qui est équivoque dans le livre. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui est équivoque? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est mutashabi? Qu'est-ce qui est équivoque? Ça veut dire, qu'est-ce qui peut avoir plusieurs sens? Ou qu'est-ce qui ne peut pas être compris par lui-même tout seul? Ce qui nécessite pour être compris d'autres choses pour le clarifier. Et donc, c'est ça qui est mutashabi. Les versets qui sont mutashabi ou les hadiths qui sont mutashabi, c'est des versets, tu ne peux pas les comprendre à eux seuls ou par eux-mêmes tout seuls parce qu'ils ne sont pas clarifiés par eux-mêmes. Ils nécessitent, pour qu'on les comprenne comme il faut, d'autres versets pour venir les clarifier. C'est ce qu'on appelle les mutashabi. Donc ceux qui ont une déviation dans le cœur, ils vont directement vers les versets qui sont équivoques, qui peuvent avoir plus qu'une façon d'être interprétés, en cherchant par là la dissension et la fitna, et en cherchant par là à les interpréter d'une façon incorrecte. Alors que nul ne connaît sa réelle signification, excepté Allah. Et ceux qui sont fermement ancrés dans la science, c'est-à-dire les ulama, eux, ils disent, nous y croyons. C'est-à-dire, nous croyons en ces versets-là. Tout cela vient de notre Seigneur. Parce qu'au début du verset, le Cheikh il ne l'a pas cité, mais Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. C'est-à-dire que dans le livre du Coran, il y a des versets qui sont clairs, explicites, qui ne peuvent avoir qu'une seule façon d'être comprise et une seule interprétation. Et ça, c'est la base du livre. Et il y a d'autres versets qui sont mutashabihat, c'est-à-dire qui peuvent avoir plusieurs façons d'être interprétés, qui peuvent être compris de façon différente, qui sont équivoques. Mais ceux qui ont une déviation dans le cœur, ils font exprès de chercher les versets qui sont équivoques et qui peuvent avoir plusieurs façons d'être interprétés pour faire la fitna, pour dévier les gens, pour les diviser dans leur religion, pour créer des doutes dans leur cœur, pour les égarer, pour les faire tomber dans la bid'a, et ainsi de suite. Hein? Donc, tandis que les croyants et les ulama, hein, parmi les gens qui sont fermement enracinés dans la science, eux disent non, tout ça vient d'Allah. quand il y a un verset qui est équivoque, on le ramène au verset qui est muhkam, qui est clair et explicite pour le comprendre. La même chose pour les hadiths. Donc on ne prend pas les versets comme ça pour les déformer, pour jouer avec, pour faire croire aux gens qu'est-ce qu'on veut. Et donc le cheikh il dit لا ينظرون إلى الآيات ولا حديث الأخرى. C'est-à-dire les gens de bid'a, ils prennent un verset, ils le prennent hors de contexte et hors de son sens réel, et ils ne vont pas regarder les autres versets et les autres hadiths qui sont plus spécifiques et qui viennent pour clarifier le sens détaillé de ces versets-là. Hein? Et donc ces autres versets-là, s'ils les auraient cherchés par exemple sur la question des grands péchés et ceux qui commettent des grands péchés, s'ils auraient cherché les autres versets et les autres hadiths qui parlent de ce sujet-là, ils auraient su et ils auraient compris clairement que celui qui commet des grands péchés avec la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, il croit en Allah et en son messager, et en ses livres, et en le jour dernier, en prédestination et tous les principes de la foi, et qu'il commet par la suite des grands péchés, que cela ne le fait pas sortir de l'islam. Le fait de commettre des grands péchés, ça ne fait pas sortir un musulman de l'islam tant qu'il reconnaît que cette chose qu'il fait est haram. Et le cheikh il dit « Wa huwa mu'minun naqisul iman » مؤمن بإيمانه عاص بكبيرته مؤمن ناقص الإيمان لا نقول عنه إنه مؤمن كامل الإيمان ما نعطيه الإيمان المطلق وإنما يدخل في الإيمان مطلق وإنما يدخل في مطلق الإيمان يعني الفرق بين الإيمان المطلق يعني la foi complète et parfaite ومطلق الإيمان c'est-à-dire يعني le minimum de la foi فنقول هو مؤمن ناقص الإيمان. Donc le cheikh dit la position des gens de la sunna au sujet de celui qui commet des grands péchés parmi les musulmans, on dit que c'est un musulman et qui a une foi c'est un croyant mais qui a la foi faible. Sa foi, elle est diminuée. Sa foi, elle est affaiblie. C'est un croyant par sa foi et un pécheur par son péché, par le grand péché qu'il a commis. Mais on va pas dire qu'il est yani sans foi du tout. Et on ne veut pas dire l'autre extrême non plus, qu'il est avec une foi parfaite. Non. Il n'est pas sans foi du tout. Hein, on ne va pas dire qu'il n'a plus de foi. Puis on ne va pas dire non plus que sa foi est parfaite. Mais on va dire qu'il est un croyant, mais que sa foi est affaiblie. D'accord? Et donc, il est un croyant. On ne dit pas que sa foi est complète, mais... يعني on va pas non plus le faire sortir de la foi. فنقول هو مؤمن ناقص الإيمان وما نقول مؤمن ونسكت نقول مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه ناقص بإيمانه بمعصيته ومن الأدلة على ذلك أحاديث الشفاعة يخرج من النار. Parmi les preuves de ce sujet, parmi les preuves que celui qui est croyant mais qui a commis des péchés, qui a des grands péchés, qu'on va pas dire de lui qu'il est mécréant, qu'il est kafir, mais que c'est un croyant et que sa foi est diminuée ou affaiblie, la preuve de ça, c'est les hadiths de l'intercession. On les a mentionnés dans les cours derniers. Les hadiths de l'intercession qui mentionnent que Allah va faire sortir de l'enfer par l'intercession des intercesseurs quiconque avait yani un atome de foi dans leur cœur. Il va les faire sortir de l'enfer. C'est la preuve que la foi, elle peut diminuer. Elle peut être aussi grande que les montagnes, comme elle peut être aussi petite qu'une atome. Et que celui qui a une atome de foi, il ne va pas demeurer éternellement en enfer. أولاً يخرج المصلون بسبب إيمانهم وصلاتهم وعبادتهم وعندهم كبائر أوجبت دخولهم النار فيخرجهم الله سبحانه وتعالى بالشفاعة وبتوحيدهم بما عندهم من الصلاة والعمل ويؤدبهم بالذنوب التي ارتكبوها والكبائر التي وقعوا فيها ويخرجهم بإيمانهم وما عندهم من العمل. Donc premièrement, ceux qui vont sortir de l'enfer parmi les croyants qui avaient une foi faible et qui ont commis des grands péchés, il va les faire sortir parmi eux les gens qui établissaient la salat. va faire sortir ceux qui établissaient la salat à cause de leur foi et à cause de leurs bonnes œuvres, leurs adorations, comme la salat, même s'ils avaient des grands péchés qui leur ont fait mériter l'enfer ou d'entrer en enfer, mais Allah va les faire sortir de l'enfer par l'intercession des intercesseurs à cause de leur tawhid, de leur unicité, leur foi en l'unicité d'Allah. Et parce qu'ils ont établi la salat et qu'ils ont fait des bonnes œuvres, et il va les punir pour les péchés qu'ils ont commis, parmi les grands péchés qu'ils ont faits. Donc, il va les punir pour ça, et il va les faire sortir de l'enfer par la suite à cause de leur foi et ce qu'ils avaient comme bonnes actions. Après, il dit ثُمَّ يُخْرِجُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِشَفَعَةِ الشُّفَعَاءِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالشُّهَدَاءِ من في قلبه مقدار دينار من إيمان ومن في قلبه مقدار نصف دينار من إيمان ومن في قلبه مثقال درهم من إيمان ومن عندهم أو من عنده مثقال نصف درهم من ومن عنده مثقال ذرة من ومن عنده أدنى من مثقال ذرة من إيمان هذا بفضل الله ثم بفضل توحيد الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit ensuite parmi les gens qui vont sortir également de l'enfer, Allah va faire sortir par l'intercession des intercesseurs, parmi les prophètes, parmi les croyants, parmi les martyrs. Eux, ils vont intercéder pour les gens qui seront dans l'enfer à ce moment-là, et il va faire sortir de l'enfer ceux qui avaient la valeur d'un dinar de foi, ou la quantité équivalente à un dinar de foi, c'est une pièce d'or. Puis, celui qui avait la quantité de la moitié d'un dinar, d'une pièce d'or, de foi. Puis ensuite, il va faire sortir ceux qui avaient la quantité d'un dirham de foi, c'est-à-dire une pièce d'argent. Puis celui qui avait la moitié d'un dirham. Puis celui qui avait une atome. Puis celui qui avait moins qu'une atome de foi. Tout ça par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis par le mérite du tawhid, de l'unicité d'Allah. وهذا يدل عليه حديث أبي سعيد وحديث أنس في خروج الناس من النار بأدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من الإيمان وهذا يبين فضل التوحيد وهذا يرد على الخوارج وعلى المعتزلة الذين يقولون بخلود أهل الكبائر في النار. Donc le cheikh il dit, et ça donc c'est qu'est-ce qui est indiqué par le hadith de Abu Sa'id ibn al-Khudri radiyallahu anhu et le hadith de Anas ibn Malik au sujet du fait que parmi les hommes il y en a qui vont sortir de l'enfer parce qu'ils avaient moins qu'une atome de foi, et il dit moins qu'une atome de foi, c'est-à-dire que ça nous montre en fait le mérite du tawhid. Le mérite du tawhid, que la personne, même si elle était avec des grands péchés, comme des montagnes, mais du moment qu'elle avait le tawhid et qu'elle avait une atome de foi, elle va sortir de l'enfer. Et ça réfute les khawarij, qui disent que celui qui meurt sur le grand péché, il sortira jamais de l'enfer. Ça c'est faux, et ça réfute les Mu'tazila qui ont la même croyance qu'eux à ce sujet-là. Après, le cheikh dit: وكذلك قال تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اقتتلوا، حصل بينهم قتال، سفك دماء، ما شاكل ذلك هذا من أكبر الكبائر. حصل بينهم قتال، سفك دماء، وما شاكل ذلك، شاكل ذلك هذا من أكبر الكبائر، ومع ذلك أطلق الله سبحانه وتعالى أنهم إخوة. من الأخوة في الإيمان إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans surat al-Hujurat, verset 9 et 10, Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si deux groupes parmi les croyants se combattent, ils se font la guerre pour des conflits qu'ils ont, pour la dunya ou des choses de ce genre, alors il dit, faites la réconciliation entre les deux groupes. Et si un des deux groupes, si un des deux groupes transgresse contre l'autre, alors combattez le groupe qui transgresse jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah. Et si ils reviennent par la suite, alors réconciliez entre eux avec la justice, et soyez justes, parce que Allah aime les justes. Et il dit, les croyants ne sont que des frères, alors faites la réconciliation entre vos frères et craignez Allah pour que vous puissiez obtenir la miséricorde. Donc ils se sont combattus ensemble, les croyants, et malgré tout Allah les a appelés croyants, malgré qu'ils ont commis le plus grand des grands, parmi les grands péchés, un des plus grands parmi les grands péchés, le meurtre. Ils se sont tués les uns les autres, et malgré ça Allah les a appelés des croyants, et malgré ça Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné qu'ils sont frères et des frères dans la foi. Il dit innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum, verset 10 dans sourate al-hujurat. La preuve que le fait de commettre un meurtre ou de s'entretuer, même si dans un hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr, d'insulter un croyant c'est une perversité et de le combattre est un kufr, mais c'est pas un kufr majeur, c'est un kufr mineur. Et le fait qu'il y ait des musulmans qui s'entretuent, c'est un grand péché, ça fait partie des kaba'ir, c'est très grave, mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Et ça ne veut pas dire que celui qui a été coupable de ça va être éternellement en enfer. D'accord? Et la preuve, c'est qu'Allah les a appelés des croyants. Un autre exemple que le cheikh il donne, il dit وَكَذَلِكَ السَّارِقْ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدْ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا لَقُتِلْ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فإقامة الحدود على السارق والزاني والقاتل وشارب الخمر وما شاكل ذلك من الكبائر إقامة الحدود عليهم تدل على أنهم ليسوا بكفار وإنما هم مؤمنون عصاة من أجل ذلك أقيمت عليهم الحدود ولو كان ارتكاب الكبائر يخرج الإنسان من الإسلام لأمر الله بقتلهم ولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم. Donc le cheikh il explique, et ça c'est une preuve très forte pour réfuter les khawarij et ceux qui ont les shubuhat sur le takfir. Le cheikh il dit, de même que le voleur, on établit la peine sur lui, dans les pays musulmans le dirigeant il établit la peine sur celui qui a volé, et on sait c'est quoi la peine du voleur. Et il dit, si la personne c'était un kafir parce qu'elle a volé, si elle devenait kafir à cause de son vol, alors dans ce cas-là, la peine pour le fait de devenir mécréant ou l'apostasie, c'est pas la peine pour le vol. La peine pour le vol, c'est de couper la main du voleur. La peine pour l'apostasie, c'est l'exécution, c'est la peine de mort. Donc, si c'était un kufr de faire le péché de voler, si ça c'était kufr et que ça faisait sortir de l'islam complètement, eh bien on n'aurait pas coupé la main du voleur, on l'aurait tué, on l'aurait établi sur lui la peine de mort, comme pour l'apostat. La même chose pour la peine pour celui qui commet la fornication ou l'adultère ou celui qui boit de l'alcool. Il y a des peines prescrites par la charia pour ces péchés-là en particulier. Et si ces gens qui commettent ces péchés-là étaient des kuffars en ayant commis ces péchés-là, eh bien, on aurait non pas établi les peines de ces péchés-là, mais on aurait plutôt établi la peine pour l'apostat, ce qui est l'exécution ou la peine de mort. Donc, si on n'a pas établi sur eux la peine de mort comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné, « Man baddala dinahu faqtuluh », celui qui change ta religion, exécutez-le, eh bien, ça c'est la preuve que le fait de commettre ces grands péchés-là ne fait pas sortir de la foi et de l'islam. Et donc, ça c'est une preuve contre eux. Et si le fait de commettre ces grands péchés-là avait été une forme d'apostasie, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait ordonné que ces gens-là soient tués et non pas que ces peines-là soient établies ou appliquées sur eux. Et il termine, le cheikh, ce point-là en disant وَهَذِهِ كُلُّهَا تَرُدُّ عَلَى مَذْهَبِ الْخَوَارِجَ الْغُلَاتِ وَتُبَيِّنُ بُطْلَانَ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنَ التَّكْفِيرِ بِالْكَبَائِرِ وَأَنَّ مُرْتَكِبَ الْكَبَائِرِ تَحْتَ مَشِئَةِ اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَى اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ بِقَدْرِ ذَنْبِهِ ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ أَوْ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ مِنَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصَّالِحِينَ ثُمَّ بِفَضْلِ وَرَحْمَتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Donc le cheikh il dit que tout ce qu'on a mentionné sont des preuves contre la voie des khawarij extrémistes, et ça montre la fausseté de leur position au sujet du takfir pour des grands péchés, et que celui qui commet des grands péchés est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il va lui pardonner, et si Allah veut, il va le châtier selon la quantité ou la valeur ou la grandeur de son péché. Puis ensuite il va le faire sortir de l'enfer par l'intercession des intercesseurs, parmi eux le messager sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes, les martyrs, les véridiques, les hommes pieux, tout ça par la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça c'est l'explication pour réfuter la voie des khawarij. Et il y a beaucoup d'autres exemples aussi des preuves contre les khawarij et contre leur position à ce sujet-là. Et donc ça c'est très important de les connaître, de les comprendre pour justement éviter de tomber dans l'erreur. Et il ne faut pas penser aussi, ça c'est un point important avant de terminer, il ne faut pas penser que si quelqu'un, pour qu'il mérite le pardon d'Allah ou la miséricorde d'Allah, c'est par rapport à la quantité de péché ou à la gravité de son péché. Hein? Que Allah ne peut pas le pardonner s'il a fait trop de péchés, ou que Allah ne peut pas le pardonner s'il a fait des trop grands péchés. Eh bien, non. Peu importe la grandeur du péché qu'il a commis, peu importe la quantité des péchés qu'il a commis, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand encore. Le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que le péché que tu peux avoir commis, et peu importe le nombre de ces péchés-là que tu as pu commettre. Il n'y a pas un péché qui est tellement grand que tu vas dire « Ah non, ce péché-là, ça y est, c'est fini pour moi. Allah ne va jamais pouvoir me pardonner ce péché-là. » Ou « J'ai trop fait de trop de péchés à un tel point que c'est fini, Allah ne va jamais pouvoir me pardonner. » Ça, c'est faux. Peu importe la grandeur du péché que tu as commis, et peu importe la quantité de péché que tu as commis, si tu te repens à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Allah va te pardonner. Naam. Donc il faut bien entendu avoir les conditions de la repentance, il faut les connaître, le remords, il faut être ferme sur la volonté de ne pas y revenir, et puis il faut cesser de le faire et de l'appliquer, cesser tout de suite de le faire, ce péché-là, quand on est en train de le faire. Si quelqu'un a eu ces conditions-là et s'est repenti, ok, donc Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne. Si jamais par la suite il retombe dans le même péché, eh bien il se repent encore une fois, même s'il va le refaire 100 000 fois après, chaque fois s'il a été sincère dans sa repentance, Allah va le pardonner chaque fois, parce que le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de limite, hein? Il est immense. Inna rabbaka wasi'ul maghfira. Inna rabbaka wasi'ul maghfira. Ton Seigneur est large en pardon. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Ça c'est la fin donc du point numéro 17. On continuera au prochain cours inshallah avec les points suivants inshallah. وكوسعيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.